CFOU 89.1. Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue à l'édition complète des palmarès Sifou pour la semaine du 2 au 8 septembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Bonjour Stéphanie. Bonjour Mathieu. Ah, je suis content. La fin de la semaine arrive avec les palmarès Sifou le jeudi. Ah, c'est toujours une bonne nouvelle. Ben oui, toujours en direct entre 15h et 18h. Et évidemment, on est rediffusé les lundis, mardis, mercredis entre 17 et 18h. Donc, c'est pour ça qu'on fait une ouverture spécifiquement pour les gens du jeudi pour que vous vous sentiez inclus. Oui, oui, pas rejeté. Je veux dire, vous êtes là aussi. Vous êtes important. Votre appel est important pour nous. Oui, restez en ligne. Donc, aujourd'hui, dans l'émission, on va savoir d'ici la fin de l'émission si nos numéros 1 sont toujours du côté anglophone. Set the Welly, I love you. Et du côté francophone, est-ce que c'est encore fan de la couleur? J'en ai aucune idée. Ben, on va le savoir bientôt, j'espère. Il ne reste que 2h59 minutes 30 secondes. Sinon, dans les nouvelles entrées, on en a 6. Du côté anglophone, plus tard, on entendra Phoenix, Young Galaxy et Alice in Chains. Et du côté francophone, on va entendre Alex Nevsky, Sonny Duval et Summerland. Ça va être très, très bon. Dans la deuxième heure de l'émission, on aura Justine Renaud et sa chronique musicale à nom et à vocation qui change de session en session. Oh, ça semble surprenant. On ne sait pas ce qui s'en vient avec elle. C'est un phénomène de la nature, ça. C'est positif. Voilà. Donc, heure 2, c'est le top 10. Heure 3, le top 5. Mais on commence tout de suite avec la première heure. Voici les palmarès Sifou édition New Shit. Bonjour et bienvenue à l'édition New Shit des palmarès Sifou. Je m'appelle Mathieu Plante. Ah oui, moi je m'appelle toujours Stéphanie Paradis. C'est vrai, ça. À chaque fois qu'on se voit, c'est toujours Stéphanie Paradis. Oui, j'ai pas changé, j'ai pas subi d'opération de changement de sexe, je ne suis pas Stéphane. Je suis encore Stéphanie, probablement pour le reste de mes jours, je tiens à vous le préciser. Ouais, ça serait une bonne, personnalité alternative. Tu pourrais jouer le rôle de Stéphane, on pourrait te blâmer toutes les affaires que tu fais pas correctes sur Stéphane. Oui, ça pourrait être mon alter ego schizophrène, un peu comme David Ferron avec Marie Melon et Gustave. Ramène pas ça! On s'est débarrassé de ça au palmarès! On retrouve David Ferron à Assemblage Requis maintenant. Pour ceux qui le cherchent, quoi qu'il est assez difficile à manquer. En tout cas, quand il est là, on le sait. Voilà. Donc, commençons notre édition New Shit des palmarès Sifou avec, évidemment, les nouvelles entrées. Le nom vient de là, hein, les nouvelles entrées. Donc, plus tard, on entendra Alice in Chains en 20e place avec Voices. Mais on débute en 20e place francophone avec Les Coloriers d'Alex Nevsky. Oui, si je me trompe pas, je crois qu'il est juste là. Ah ouais, est-ce que tu veux que je te lance? Est-ce qu'on joue au frisbee? S'il te plaît, je pensais que je voulais dire que Alex Nevsky était juste là comme il allait nous jouer la chanson. T'sais. Ah ben là, ça aurait été cool, mais ça serait la version comme fantôme, il est mort. J'espère que non. Donc Alex Nevsky, Les Coloriers, tout de suite au palmarès C'est fou. New Shit, 89.1. F. Que c'est fond de dogme, il faut tout réinventer. Nouvelle entrée. Author. La position numéro 20 du côté anglophone, c'était Alice in Chains et Voices sur l'album The Devil Put. Et du côté francophone, c'était Les Coloriers d'Alex Nevsky. Il nous reste encore un bon 4 nouvelles entrées. Donc, ce qu'on va faire là, ça va paraître un petit peu bizarre, mais on va aller dans le désordre. On va y aller avec l'anglophone et on va écouter une pièce de Young Galaxy sur leur album Ultramarine. Et moi, j'ai envie de vous faire entendre Fall For You. Pourquoi pas? Une petite découverte comme ça. Je vais pas mal au hasard, je te dirais là-dessus, moi. Pas mal au hasard. Écoute, faut savoir prendre des risques dans la vie et je crois que maintenant, faut en prendre. C'est pas comme si on avait vraiment le choix. Donc, Fall For You, tout de suite au paparazzi fou. Puis après ça, ben, ce sera peut-être Sonny Duval. Alors, on le souhaite. On se croise les doigts. Les orteils. Puis les jambes. Les bras. Ouais. Ça suit pas grand-chose d'autre. Je vais me faire des tresses. Ah, j'aime ça. Je vais faire un nœud dans mon engin masculin. Je suis sûr que tu peux en faire 3-4. Merci. Ça m'encourage. I work the mines till the break of dawn. Just me in the dark with a lonely heart. Making songs come true in the world above. Wanna live with love, yeah. Nouvelle entrée. Amour, amour, étais-tu

Young Galaxy et Crying My Heart Out, qu'on vient d'entendre, c'est en position numéro 19 du côté anglophone. Et du côté francophone, pardon, c'était Amour d'amour de Sonny Duval. Ben oui, puis avant ça, sûrement qu'on a entendu plein d'autres affaires, puis un paquet d'autres choses dans le désordre, puis un peu n'importe comment cette semaine, hein, apparemment. Ben, coudonc, les affaires sont dures à trouver cette semaine. Mais les tunes restent quand même bonnes. C'est ça, puis ça reste des nouvelles entrées, même s'il y en a deux qui sont en même temps, c'est pas grave. il nous en reste deux dernières, et celles-là, on les a. Et on va les écouter. Oui, quelqu'un a fait sa job et les a mis sur Internet à la bonne place. C'est le fun quand même. Donc, du côté anglophone, ce sera Phoenix avec Trying to be Cool. Et du côté francophone, Coup de vent de Summerland. Bon, pas mal de ça, simple de même. Tu casses pas la tête pendant 23 minutes depuis le début de l'émission pour les trouver. C'est Palmar assez fou, édition New Shit. C'est le cas de le dire. Littéralement. Ah, ça, ça manque à de classe, par exemple. Là, je suis allé trop loin avec un bruit de pète. Ben non. On se croirait dans une sitcom, pas. Les deux dernières nouvelles entrées de cette édition des Palmarès C'est fou, ça c'était Phoenix et Trying to be cool en 18e place. Et du côté francophone, c'était Coup de vent de Summerland. Très bon bloc. Moi. C'est mes nouveautés préférées de cette semaine, moi je pense. Excellent. Une chance qu'on les a trouvées. Une chance? Colin. Ah, ben, c'est comme ça, des fois, des bijoux, là. Faut que tu polisses ça, tu sais. Faut que tu creuses pour trouver de l'or et autres analogies, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu voulais pas que j'utilise le mot anal. Non. Hein? Hein? Je... Malaise, hein? Ouais. On aime ça aujourd'hui, malaise. Tiens, on vient d'écouter 6 nouvelles entrées, donc 3 de chaque côté. Et quand on écoute de nouvelles entrées, ça donne l'impression qu'on a quelque chose à faire. Je pense que c'est un peu comme obsessif compulsif. Là, je me dis, est-ce que j'ai tourné la poignée 10 fois? Est-ce que j'ai fermé une ronde? On est supposé faire quoi dans ce temps-là? Malaise numéro 5. Voici Palmer Rest in Peace pour dire au revoir aux pièces qui nous ont quittés. Okay? Bye! Just mountains of change. Voici les pièces qu'ils ont quittées depuis le précédent palmarès. Impossible de tricher. Ce que c'est que de se sentir en vie. J'arrive à me faire peur. Même hors de la morceur. Il y a en mon cœur. Des territoires. C'était les pièces qui ont quitté les Palmarès C'est fou depuis la précédente édition, celle qui terminait le 1er septembre. On a donc dit au revoir à Tuer le désir d'Alex Nevsky qui est resté pour 7 semaines. On a aussi dit au revoir à FM de Haute-Tech qui est resté 8 semaines. Et finalement, à Petit singe robot qui va me manquer de Violette Pie qui est resté 9 semaines. Tellement. Du côté anglophone, on a dit au revoir à Alice in Chains qu'on a aussi récupéré tantôt en nouvelle entrée avec Hollow. Ensuite, Phoenix avec Entertainment. Moi, ma préférée du groupe des 6. C'est vraiment ma préférée. Je l'adore. Et pour terminer, ça a duré 7 semaines en passant. Et Pretty Boy de Young Galaxy qui a terminé ça, qui a duré 8 semaines sur l'album Ultramarine. Et eux aussi sont de retour, finalement. Dans le fond, les trois sont de retour. Ouais. Oh. Je viens de confirmer avec mon régisseur. Oui. Absolument. Donc voilà pour Palmarès in Peace. On fait ça chaque semaine dans les palmarès. C'est fou. On va retourner à notre palmarès top 20, édition New Shit. On est rendu en 17e place du côté anglophone. Ce sera Miss Mister avec Bones. Mais tout juste avant, on va entendre Ciao Bye Ciao de Ponctuation. Donc, palmarès, c'est fou. Wow, wow, wow. Calme-toi, Ina, sa batterie, c'est... Badang, badang. Forgotten savages. Dig up her bones, but leave her soul alone. Lost in the pages of self-made cages, life slips away and the ghosts come to play. These are hard times, these are hard times for dreamers. Like a girl of only 17. Man-made madness and the romance of sadness. Beautiful dance that happened by chance. Happened by chance. Happened by chance. C'était Miss Mystery Bones qui descend de la 13e en 17e place anglophone. Et du côté francophone, c'était Ciao Bye Ciao de Ponctuation qui est là quand même depuis 8 semaines. Quand même! On est encore et toujours dans la période entre les nouvelles entrées et le top 10. Donc, on se faufile un petit peu de pièces qui sont dans le bottom du palmarès. Dans le bottom, dans le derrière. Oui, comme Bikini Bottom dans... Bob l'éponge. Bob l'éponge. SpongeBob SquarePants. Ça met plus de mots en anglais, tu sais. Sponge, OK, on va les analyser. Sponge éponge. Oui. Bob comme Robert. Oui. Square comme carré. Carré. Pantalon. Pantalon. Fait que Robert l'éponge, pantalon carré. Exactement. Comment ça fait que c'est pas ça en français? Parce que les enfants francophones sont plus mongols, puis ils peuvent pas assimiler autant de mots. C'est vrai qu'on est très en retard au c'est Québec. C'est mon hypothèse. Ça a bien du sens. Sur ce, on est rendu aux positions 16 du côté anglophone. C'est The Damn Truth et Montreal. Et du côté francophone, repose-toi bien de forêt. C'est bien noté. Oui. On va dire bonne nuit à Robert. L'éponge. Robert l'éponge. Pantalon carré. J'ai traversé le ciel sans dormir. J'attends ton sourire. Je te salue de la main tendue. J'ai Au retour de Damn Truth, c'est San Cisco et Félix-Antoine Couturier au Palmarès Cifou édition New Shit. CFOU 89.1. Madame Truth et Montreal qui descendent de place en 16e anglophone. Et du côté francophone, c'était Repose-toi bien de Forêt. Maintenant, on va sauter un petit peu de musique, mais on va essayer de s'éclaircir l'esprit en vous disant ce qu'on saute, OK? Donc, on va sauter par-dessus les positions 15 à 11 en anglophone. San Cisco avec Awkward, qu'on a choisi, qui est l'élu là-dedans. Je devrais le dire à la fin sur la place, hein, parce qu'on va en jouer une de chaque barre. En tout cas, 14e, Dallas O'Bones et Nothing Left Between the Lines. Quand même trop petit là. En 13e, c'est Caveman et In the City. En 12e, Midnight on South Granville avec Jay Arner. On me donne pas des choses faciles. Et en 11e, c'est 20s de Rara. Écoute, c'était tout à fait charmant ta présentation. Merci. Du côté francophone, on saute par-dessus la 15e place qui est Crâne de Les Indiens, la 14e Giovanni Cabotti de Mauve, en 13e place Des Shooters de Force sur ton bras des Sœurs Boulay et la 11e place Courir nu de Deux Pouilles en Cavale, car on a choisi la 12e place, ça a monté de 8 places et c'est Dans cette vie de Félix-Antoine Couturier. Au 89 FM. Il y a 3 secondes, j'étais presque en contrôle du monde, libre et léger, pris dans mon sou de neige. Je voyais mon père plus grand que le monde, avec ses airs et ses chansons. Si je reste moi-même, est-ce que je suis toujours avec lui? Dans cette vie, suivre nos traces en arpège, comme ébloui, sans se laisser prendre au piège dans cette vie. J'ai un grand frère toujours en guerre, mais il est beau même en colère. Les mains douées, faut bien qu'il se protège. Et tout seul dans la grande maison, il y a ma mère et ses démons. Pour les semer, elle roule la bicyclette en après-midi. We'll be right back. C'était l'élu du côté anglophone entre les positions 15 et 11, San Cisco avec Awkward. Et tout juste avant sa montée de 8 places, c'était Dans cette vie de Félix-Antoine Couturier. C'était pour l'édition New Shit des Palmarès Ifo. On se retrouve pour ceux qui nous écoutent le lundi demain, mardi entre 17h et 18h. Sinon, pour les gens du jeudi, on reste là parce que Justine Renaud va être là dans la deuxième heure. Oui, c'est les Palmarès Ifo. La portion Palmarès c'est fou, top 10 pour la semaine du 2 au 8 septembre 2013, c'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui, et on a le plaisir d'accueillir notre chroniqueuse fidèle, Justine Renaud. Yeah, je suis là. Hey, j'étais aiguë en tabarouette. Comment ça, aiguë, non? Le contrat d'obtus ou le contrat de grave? Le contrat de grave. OK, merci. Non, mais je suis sûre que les gens à la maison aiment ça anyway. À la maison, je dis à la maison, ça se peut que votre maison soit en train de rouler sur l'autoroute, par exemple. Oui, une maison mobile. Une maison mobile. À Winnebago. Dans leur auto, à la maison. Dans le fifth wheel. Dans le fifth wheel. Mes grands-parents disaient le fifth wheel. Oui, il y a beaucoup de monde qui disent des fifth wheels, surtout ceux qui ont des fifth wheels. Surtout, principalement. Donc, Justine, tu vas nous présenter ta chronique. C'est quoi son nom déjà? Non, c'est pas ça, là. Okay. C'est que, vous comprenez, en ce moment, on a commencé une nouvelle session radiophonique. Nouveau concept, quotidien. Et j'ai une chronique pour vous autres qui va sortir complètement de l'ordinaire. Je vais vous présenter des albums qui m'ont complètement marqué. Okay. Marqué au fer rouge dans mon esprit. Avec le CD sur le bord de des veines du poignet. Oui, c'est ça. Oui. Je me coupais à coups de CD des cicatrices de long jeu. Un petit peu, juste un peu. Des cicatrices de long jeu? Oui, des cicatrices de long jeu. Tout ça pour dire que cette chronique-là va arriver dans deux semaines. Moi, je suis bimensuelle ou... T'es pas homo mensuel à ce que je sache, non? Juste un peu. Okay. Juste une semaine sur deux. Oh! Mais cette semaine, parce que vous me connaissez bien, ceux qui me connaissent savent que je suis pas à mes affaires, mais d'une manière positive un peu. Là. Tu sais pas nécessairement ce que tu veux dans la vie, parce qu'à date, t'es tout le temps en train de « Ouh, je fais cette chronique-là! Non? Oh, je t'aime là. Oh, je plus t'aime là. Ben, c'est ça. J'ai eu la misère un peu avec mon thème musical de mon introduction. Parce que, en fait, depuis un matin, je travaille là-dessus. Il faut pas que ma directrice de recherche sache ça, que je suis payée à faire ça. Mais bon. Ça pour dire que je vais présenter aujourd'hui là, ma chronique Justine procrastine. Mais c'est tout à fait moi. Je procrastine cette chronique que j'ai faite tout l'été. C'est normal. Je suis sûr que toute la session d'automne, tu vas être sur Justine procrastine non, en janvier. Pas vrai. Non. Okay. Les paris sont ouverts. Oh oui. Non, faites pas ça. Mais bon, c'est ça. Mais je m'excuse pas. Je pense que c'est quand même bien parce que j'avais un dernier groupe que je voulais vous présenter avant de vous commencer à présenter des albums parce que je l'ai découvert dans la dernière semaine. Puis c'est ça. OK, on en parle tantôt. Pour l'instant, on va écouter nos positions numéro 10 parce que c'est l'édition top 10 des Palmarès c'est fou. En anglophone, ce sera We Are Wolves is Sun. Alors que du côté francophone, ce sera Radio Réveil d'Atomic Baobab. Au Palmarès c'est fou! 89.1 FM. Wow! Plus aigu. Ah! Les journées grises me prennent d'assaut. C'est juste le temps qui passe, on viendra. S'il faut encore la joie d'être pris dans le trafic, avec des bœufs sur le bord de la route qui vendent des voyages au Mexique. Se fait plus rare. Je m'y fais pas la routine, c'est vraiment pas mon exutoire. Il faut que je prenne la fuite, la prochaine sortie. Aujourd'hui j'en poche, je fais la paix avec ma folie. C'est comme les hommes, les années 80 qui avaient à mal. Quand on est en route, c'est bon. Take out. Encore hier, ok, j'arrive. J'ai enfoui mes rêves, mes envies excessives. La tune qui repart chaque matin dans mon radio réveil. Un acouphène, un bass constant dans mes oreilles. We'll be right back. We Are Wolves et Sun, qui descendent de la 3e en 10e place, donc moins 7. Et ça monte de 4 places, Radio Réveil d'Atomic Baobab. On faisait des maths en rond, fait que ça m'a tout. Ça m'a donné l'envie de faire plus de maths encore. T'as-tu pris de la drogue? toi, plus moi, plus Justine Renaud. Ça fait 3. Fait 3. Ben, je suis bonne. Divisé par 3. 5 micros. Ouais. Oh non. Exposant 40 tounes. Égal Justine procrastine, pas du tout. All this talk, all this ticking, all this shit talk, kicking in my head, I'm staying in bed today. And it doesn't matter what the app you say to me. Or do not care just what the app say to me. Et ce sera la dernière fois que je vais entendre cette intro. À vie? À vie! Parce que si je suis fidèle à mes paroles, parce qu'on m'a décrite au début comme étant fidèle. Fidèle, Castro. Fidèle, non, pas partout. On parlait de positionner des fesses tantôt. Non, ça, c'était hors onde. Est-ce qu'on le met en onde? On aime ces parenthèses ici. Hein. Ben là, positionner des fesses, c'est pas un sujet ragoûtant. Donc, Justine, dernière chronique, Justine Procrastine. C'est malheureux parce que tu vas changer de concept. Est-ce qu'on l'explique encore? Pas, non? Brièvement, là, à la place de parler d'un artiste puis de choisir des chansons vraiment qui m'ont comme qui m'ont frappé, l'artiste, j'expliquais un gros qu'est-ce qui s'est passé. Mais maintenant, ça va se baser plus sur un album au complet. Vraiment, un album qui est venu me chercher. Ça arrive d'infos. Quand on écoute un album de A à Z, puis il y a quelque chose, il y a une histoire, ça nous bouge, ça nous fait frissonner, ça fait tout les temps. Ça, ben, l'intro peut profiter là-dessus, ça, parce que c'est une nouvelle chronique. Ben, c'est ça, là, ça marche pas parce que celle-là me stresse un peu, cette intro. C'est toi qui l'as choisi, je te dirais. Oui, je sais. Pour une fois, parce qu'avant, quand tu allais contre moi, c'était littéralement moi qui l'avais choisi, puis là, ça pouvait être stressant. Non, mais t'es pas mauvaise, là. Elle était correcte. On se souvient que Mathieu m'avait sorti une espèce d'intro. Get to the point! Oui, M83, qui est une galaxie, M83. Est-ce que tu me dis pourquoi tu parles dans tes mains? Parce que ça donne un effet genre, c'est quoi ça, un tube? Oui, mais c'est ça, mais je faisais comme si j'étais comme quelqu'un qui faisait une visite à l'observatoire du cégep de Trois-Rivières. Oh. Alors, M83 est une... une galaxie spirale de type SABC située dans la constellation de l'Hydre femelle et découverte vers 1751 par la mini-colonne Louis de Lacaille. C'est génial. Ça. Je vous jure, okay, aujourd'hui, je ne vous parle pas d'une galaxie, mais du band qui porte ce nom. Donc, Messier 83 a inspiré un band d'origine française qui font de la musique électro. Ce band-là qui s'est formé en 2001 sur la Côte d'Azur. Il n'y a rien de plus romantique. Mmh. Enfin, on choisit ce nom-là. Fait que je voulais vous dire à la base c'était quoi, parce que moi, ça me fascinait complètement. Mais là, aujourd'hui, on ne parle pas d'étoiles pour ne pas m'égarer encore plus loin que les confins des quatre murs très rapprochés et exigus. Moins qu'avant, on a plus d'espace un peu. C'est vrai qu'on a plus d'espace. On est dans un nouveau décor que j'apprécie énormément. Là, c'est très très, très, très, très, très beau. Est-ce que les murs sont toujours aussi comme rapprochés parce qu'on n'a pas tassé les murs? Ah, c'est OK. Je pensais qu'on avait éloigné un peu le mur non, en juste poussant. Un poussin. Un poussin. Bon, anyway. Hein? La musique de M83. Moi, j'aime les appeler M83 puisqu'ils sont français. Tu penses-tu que c'est comme les Québécois qui vont s'offusquer si j'appelle genre Justine Renaud? Appelle-les M83. M83, dans le fond. C'est vraiment excellent. En fait, je les ai découverts très récemment. Pourtant, j'avais cette musique-là sur mon ordinateur depuis super longtemps. Mais leur signature esthétique est très, très, très particulière. Grâce aux effets de reverb et aux paroles chantées doucement sur de la musique très enveloppante, ça donne quasiment une espèce de sensation de film. Alors souvent, leur musique va s'inspirer d'une espèce de faux scénario qui se font dans leur tête, puis ils vont composer de la musique là-dessus, et c'est fantastique. Et d'ailleurs, leurs vidéoclips sont à l'image de leur musique, c'est-à-dire complètement épique. Au cours de leur carrière, M83 a fait des remixes de plusieurs chansons de bands connues, telles que Block Party avec leur chanson The Pioneers, on parle de Placebo avec Protège-moi, Goldfrapp, Black Cherry et Depeche Mode avec leur chanson Suffer Well, mais ça c'est parmi d'autres, il y en a eu beaucoup. Beaucoup d'autres. Aujourd'hui, le groupe compte plus de 6 albums. On se souvient qu'ils se sont quand même formés en 2001. Ils ont eu du temps à composer, mais ils ont même fait des albums doubles, dont Hurry Up, We Are Dreaming. Puis, ils ont même fait une trame sonore pour le film Oblivion, qui aujourd'hui, ça a sorti en 2013, en fait. Au Québec, on l'a appelé L'Oubli. Donc, le film L'Oubli avec Tom Cruise, qui est un espèce de film de science-fiction américain, écrit, produit et réalisé par Joseph Kosinski. Kozinska. Non, juste Kozinski, excuse-moi. Okay. Don't sue me! si on revient avec... Non, laissez faire. Je me l'ai dit si on se fait actionner là, parce que je déforme les noms des gens. Mais tu me regardes avec des yeux de genre, ça arrivera pas, inquiète pas. Non, ça va être correct. D'après moi, on est safe. Donc, on voit qu'ils ont vraiment une espèce de CV assez impressionnant. Et en plus de ça, certains de leurs albums ont même été enregistrés avec l'aide de Ken Thomas, qui est connu pour avoir collaboré avec Sigur Rós, The Sugar Cubes, Boys in a Band, Cocteau Twins, que j'adore, Suede. Aussi avec Ewan Pearson, Pearson, Mr. Pearson, qui lui a déjà produit pour Tracy Thorn, The Rapture and Lady Tron. Et finalement avec Morgan Kibbe de The Romanovs. Donc, on voit qu'ils sont très, très bien ancré au niveau de toute la sphère musicale, surtout en Europe. Et en parlant particulièrement de la chanson qui est tirée de leur album Saturdays Equal Youth, la chanson You Appearing qu'on va entendre dans quelques instants, vous allez voir, c'est absolument fantastique. Mais ça, c'est une chanson qui est très instrumentale, mais c'est pas à leur image habituelle. Mais je veux quand même vous la faire entendre parce qu'elle est très spéciale pour moi, vous allez voir. Donc, You Appearing de M83. Thank you. gâcher la fin d'une toune. Fallait pas que je rie. Tu gâches le beau featuring du saxophoniste de Peter Peter. T'as oui, dit, là, si il y en a qui connaissent Peter Peter, savent qu'il aime bien le saxophone. Il trouve ça très sexuel. Et il y a un saxophoniste dans son... Bravo. Ouais, une version améliorée de la tristesse de Peter Peter. Bref, ça sonnait vraiment comme deux gouttes d'eau. Pas nécessairement le même solo, mais le même style. Oui. Envoûtant, espèce de quasiment kitsch. C'est ça, c'était excellent. C'était la chanson Midnight City que j'adore. Et juste avant ça, c'était You Appearing d'un album précédent. Celle qu'on vient d'entendre, en fait, si vous allez voir le vidéoclip, je l'ai mis sur la page Facebook des Palmarès, c'est fou. Oui, il s'est déjà liké de mon côté. C'est liké bravo. De ton côté. Et rapide, sa gâchette. T'as le doigt précoce. Oui, je... C'est excellent. Clic-clic. Est-ce que tu l'as regardé? C'est parce que ses likes apparaissent sur sa page. On va pouvoir aller voir plus tard ce qu'elle a liké. Oui, c'est ça. Si le moindrement vous avez aimé la série de films X-Men, vous allez adorer ce vidéoclip-là. C'est fou, c'est de toute beauté. Ah ben là! C'est vraiment de toute beauté. Sérieusement, j'ai eu des frissons là, quand j'ai écouté ça. Et la chose, c'est que ça vient avec sa suite, la chanson Reunion, qui est la suite directe sur l'album Hurry Up, We're Dreaming. Et c'est vraiment une suite de deux vidéoclips. Okay. Très genre supernatural, un peu une espèce de des enfants avec des pouvoirs surnaturels. Plein d'effets spéciaux là-dedans. Pis tout, ben oui, il y en a plein, là, mais c'est de toute beauté. Wow. C'est vraiment fait, là, c'est à couper le souffle. Si vous aimez les affaires science-fiction, moi, je suis vraiment pas une fan, puis ça m'a fait quasiment pleurer, là. la nuit où est-ce que j'ai découvert ça. Moi, je suis une fan de science-fiction. J'ai découvert ça, là, puis je me suis couchée à 3 heures du matin, puis j'étais pas capable d'arrêter de le regarder. Ah, oh, wow. Oh, oui. C'était excellent. Et cet album-là, je vous l'ai dit, Hurry Up, We're Dreaming, c'est en fait un double album. Et savez-vous pourquoi ils ont fait un double album? Non. C'est quoi? Ils se sont dit, moi, j'ai écouté The Smashing Pumpkins, Melancholy and the Infinite Sadness, qui est un double album absolument magnifique. C'est exquis comme double album. Et eux autres se sont fait, nous autres, on veut faire quelque chose d'aussi épique. Et non seulement ça, ils voulaient faire en sorte que ce soit comme quasiment comme si il y avait un film. Donc, ils faisaient une trame sonore pour un film imaginaire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les vidéoclips sont exactement à l'image de la musique là, de M83 dans cet album-là. Et je vous invite vraiment, là, allez-y, allez voir là, cette vidéo. Cette vidéo qui est en soi tel clip. C'est excellent. C'est ça. Je vous le conseille fortement. M83 de la galaxie Messier 83. M83. On a de ça. Merci, Justin Renaud. Un fait plaisir. Bien fin. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle chronique. Oui, ou pas. J'ai hâte. Oui, une nouvelle Hoopa, chronique. Comme disent les Grecs. Les Grecs. Hoopa. Ou les gens qui savent sur la TV puis qui tombent sur le poste Youpa. Youpa. Ou quand t'échappes, je sais pas, ta tosse à temps, tu fais Youpa là. Et voilà, voilà, voilà. Ah, tu vois, moi, c'est pas ça que je dis. Bon. T'es une fille vulgaire. Non. C'était peut-être zut, c'était peut-être flûte. Ouais, c'est plus comme. Ouais. Flûte. Zut ou flûte, là. Zut de flûte. Ah. Ou un sac en papier, ou un sac en plastique. Ici, trop. Moi, je dis It Timberlake. It Timberlake. C'est ça. Merci encore, Justine. À dans 2 semaines. It Timberlake. Justin Timberlake, c'est mon nouveau sac, Colin. Ah, et Timberlake. Justin Timberlake. OK. Donc, on va continuer avec notre palmarès, si ça vous tente. On est rendu au 9e position. Mm-hmm. Du côté anglophone, The Dang, c'est Summer Lovin'. Et du côté francophone, c'est L'Orpheline de Caféine. Oh, L'Orpheline de Caféine. Ça arrive. Je pense que je l'ai dit la dernière fois. Ça se peut. Justine. Oui. Caféine. Oui. Procrastine. Ah, Orpheline. Canne de bine. C'est pas vrai, c'est fou. Retour de Danks, Ostra et Mimi Van Der Glo au Palmarès Fou édition top 10. Pour ça, je voulais mettre pantoute. C'est bon, pas faire. On va le mettre pareil, ça va être drôle. CFOU 89.1. C'est Summer Lovin', c'est la position numéro 9. Et du côté francophone, c'était l'orpheline de Caféine. Mm-hmm, excellent, ça. Malheureusement, Summer Lovin' descend de la deuxième place, donc ça pourrait éventuellement se terminer. Toute bonne chose à une, enfin. Non. Ou autre cliché. Non. Non, ça arrêtera jamais, ça. Non. Fah. Mais c'est sûr qu'une chanson qui s'appelle Summer Lovin', éventuellement à l'automne. Summer Lovin', have me a blast. Aigu. Obtus. Ouais, fais les dents plus obtus, quoi. Ouais. Summer love, have me a blast. Maintenant, fais les deux en même temps en cœur. Ok, je suis pas l'exorciste, là. Summer love. on est rendu au 8e place du côté anglophone, Astra et Home qui monte de 4. Et c'est stable du côté francophone et c'est Mets ça dans ta pub de Mimi Van Der Glo. Miam, miam, miam. Au palmarès, c'est fou. Dis-moi ça en version obtus, s'il te plaît. Au palmarès, c'est fou. Pas pire. Mets ça dans ta pub. Un peu de Australia Home, qui monte de 4, c'est en 8e position anglophone. Et tout juste avant, du côté francophone, c'était Mets ça dans ta pipe de Mimi Van Der Glo. Ben quin. On va continuer tout de suite avec les prochaines places. Tiens, c'est les 7e, il nous reste très peu de temps. Donc en anglophone, Imagine New Cities et Sooner or Later. Et du côté francophone, tu t'es mise à crier de Bravo Funken. Au palais, c'est fou, top 10. 1-0, c'est quoi? C'est Uno. Cero. Cero. Comme 0. J'ai tous les chiffres sauf le 0 à dire en espagnol. En tout cas, je vous le niaise. Mes problèmes sont mes problèmes, je laisse ça pour vous. Yeah. Imagine City, c'est Sooner or Later, stable en 7e place. Et du côté francophone, tu t'es mise à crier de Bravo Funken et je crois que ça a baissé de 4 places. Ça ressemble à ça. On sort par-dessus les 6e en anglophone, il y aurait eu Bear Mountain et Two Step qui montent de 4. Et du côté francophone, ça a descendu de 4 places et c'est la pointe de l'iceberg de la question, mais on va pas l'écouter. Ben non, c'est tout pour l'édition Top 10 des Palmarès C'est Fou. Merci Justine Renaud. Ça m'a fait plaisir. Alors on se retrouve dans quelques minutes pour les gens du jeudi. Sinon, si vous écoutez le mardi, parce qu'on est en reprise lundi, mardi, mercredi à 17h, ben ça va être demain l'édition Top 5. C'est ça là. Tu sais, il faut comprendre le principe. Allez. Suivez un peu. C'est de la physique quantique rendu un petit peu. On est à plusieurs places en même temps. Là, on est ça ressemble à ça. Hey, salut! Ben, à bientôt! À bientôt! Bye! Bye. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou! C'est fou, édition Top 5 et Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui, bienvenue à vous. Le Top 5 qui commence. Caroline, c'est la crème. Comme toujours, c'est les patates au sommet du pâté chinois. Non, sur le dessus, t'oublies la petite croûte sur les patates encore avec le paprika. Délicieux. Un petit peu d'oignon mélangé des patates, du beurre en masse. Non. Ah non, là, les oignons, tu me perds. Donc, Top 5 qui commence à l'instant. Du côté anglophone, on va avoir nos amis de Monster Truck avec Sweet Mountain River qui descendent d'une place. Mais on débute dès maintenant avec Le Nœud de Midi Cayenne Club. Sur leur album Nana Boo Boo. Oh, Nana Boo Boo. T'as un voleur que l'on invite chez soi. De la guerre, le nerf de mon cœur. Sweet Mountain River de Monster Truck. Position numéro 5, descend d'une place. Et ça monte de deux places. C'est Le Nœud de Midi Cayenne Club. Mm-hmm. Après nos quatrièmes places, on va se gâter un petit peu avec les meilleurs moments d'assemblage requis. Oh! Un instant classique s'en vient. Pourquoi pas? Tu vas me gâter. Why not peanut? You know? Peanut. C'est drôle, ma mère m'appelle comme ça. Ah oui? Peanut. Intéressant. Fait que why not peanut, je me sens interpellée. Ben, peanut, c'est un petit peu plate, je trouve. Peanut? C'est pistache. Mettons, pistache, cachou. C'est un nom de chat, j'aurais pas aimé ça. J'aime. Cachou, c'est un nom de chien, j'aurais pas aimé ça. Ah, OK. Donc là, vraiment, cachou, c'est pour un chien et l'autre, pistache, c'est pour un chat. Ben oui, clairement. Ben, je sais pas, cachou, ça fait comme... Puis pistache, ça fait comme... Mais tu vois, moi, j'appellerais peut-être ma tortue pistache parce que, tu sais, en coquille, ça. Quoique, elles sont pas mal toutes en coquille, hein, les noix. Les noix? Ah, oh, ouais. Beaucoup de noix en coquille, tu sais. Généralement, oui, ouais. Ça vient dans une coque. I like big cocks, I cannot lie. Alors, position numéro 4, c'est The Cat Empire, du côté anglophone avec Brighter Than Gold, qui monte de 4. Et du côté francophone, ça monte d'une place, c'est High Cougar de Lila Dissa. Parfait, Pinot. Merci. T'as bien fait ça, Pinot. Ouais, fait plaisir. C'est super, Pinot. Petit cachou. Bravo, Pinot. De rien, cachou. Ouais, c'est ça. C'est vrai, sur Internet, ça. Là. Oh, mais attends un peu. Je te fais un mix là, de la mort, j'aime ça, ça paraîtra même pas. Waouh! Ni vu ni connu. Un vrai génie de la console. Comment ça m'appellerait, toi, mettons une sorte de noix? Sorte de noix? Big Nuts. Je sais pas, je vais y penser. OK. J'aime Big Nuts, alors. Yeah. Sweet Mountain River, encore avec une pièce bonus qu'on pourrait appeler Psychics. C'était évidemment la mauvaise pièce. Évidemment. On va aller entendre celle qu'on aurait dû entendre et elle est vraiment bonne, donc ça vaut la peine de la jouer. Est-ce que tu veux nous présenter la position numéro 4 anglophone? Donc oui, on va entendre Brighter Than Gold de Cat Empire. Merci. Ça fait plaisir. Cool. Four steps in the morning, two steps in the day, three steps in the evening, and the darkness is ablaze, and all the angels, seats, and soldiers come step to the parade. I run out like a cheetah, the monk is in the blood, and what a piece of work is man who screams the name of love, but all his brothers, cousins, sisters, and others hear his fuzz. What none can dream, but light calls it a lie, and all the sinners, saints, and winners just wink and walk on by. A Brando's in the forest, a Nancy's in the flood, a black swan makes a pirouette, the gods cry from above, and all the rain keeps falling on bare feet in the mud. In the west, west, southbound with a beat, and all the lions, brides, and preachers come down into the street. Non, je sais pas ce que c'est en espagnol, de Cat Empire. De Cat Empire, avec la position numéro 4, Brighter Than Gold. Et tout juste avant, du côté francophone, c'était Haiku Girl de Lila Dissa. On dirait presque de l'espagnol aussi. Mais j'ai un peu bogué sur le H pendant une fraction de seconde. Je me suis demandé, est-ce que je le souffle? L'inspire, expire. Haiku Girl. Haiku Girl. Haiku Girl. Les Russes disent, ou les Allemands. Je sais pas trop, je suis pas bon en accent. Non, puis je suis pas bon pour déterminer les affaires de quelle origine ils viennent. T'sais, l'autre fois, je disais genre, il y avait un jeu de mots. Évidemment, pour moi, c'est un jeu de mots. On parle d'une allocution, mais quelqu'un s'est enfergé, il a dit halalocution. Fait que là, j'ai dit halal, tu veux dire une halalocution, c'est comme quand les juifs vont faire une allocution. Mais c'est clairement les musulmans. Les musulmans. Sinon, ça aurait été kasher chez les juifs. Et je vais en profiter pour glisser quelque chose comme ça. Ma mère m'aimera pas, mais elle non plus n'est pas très bonne pour déterminer ce genre de truc-là. Mais c'est qu'on sait si on se trompe en le disant. Mais, je sais pas trop. En fait, on est allé dans un vignoble. Puis elle est rentrée là, elle a fait « Oh, c'est beau le petit look espagnol! » Finalement, le gars s'appelle Tony, c'est italien. Italien-espagnol, même affaire. J'ai trouvé ça cocasse. Et voilà. Donc, sur ces belles paroles, en fait, ça me rappelle, moi, des bons moments qu'on a eu à l'émission du matin à Assemblage requis. On n'a pas fait cette chronique-là depuis le mois d'avril. Ah, c'est loin? Un petit peu rouillé, fait que je vais essayer de la jouer comme il faut. Ouais. À date d'aujourd'hui, ça peut arriver que je me trompe. Donc voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 2 septembre 2013. Bonjour Jean-Philippe, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait de radio ensemble. Oui, je commence à shaker. Oui, c'est pas le café que t'as pris. Non, ni les excès de sexe. Ouais. On est super rouillé, on est dans un nouveau studio. Ben oui, puis ça prend de l'huile de coude, ça. Tu sais, puis on a chacun deux. Ça donne bien parce qu'on laisse personne qui a moins que deux coudes animer à ses animés. C'est faux. C'est complètement faux. Un peu comme au Grand Prix, c'était où t'avais le front en soir aussi. T'es un gars mouillé, hein? Ouais. T'aimes ça mouillé? Ouais, je me mouille, moi. C'est ça. Tu sais, quand on dit des fois, genre, je vais mettre le gros orteil dans la piscine pour me prendre une petite saucette, là, mais moi, c'est mettre ton orteil sur JP. Moi, c'est la seule partie que j'ai au sec. Ah, mon gros orteil. Bon, c'est bon, ça va, ça. Ouais. Parlant de Sébastien Dulude, il écrit dans le journal. Oh, le journal. Zone Campus. Oui, Zone Campus comme jaune, la couleur. Non. Zone plutôt comme. Où ça me gratte au niveau de la zone... Érogène. Voilà. Donc, la zone de campus. Il est toujours 8h. Il est 8h22. C'est pas il est toujours... Il est toujours 8h22. C'est fou, la radio. Il est toujours 8h22. C'est comme la radio WKND qui dit toujours le week-end. Là, Oui. C'est radio week-end. C'est ça. Nous autres, c'est même la semaine. Le plan de demain, ensemble, la jockey. Ben, quand même, j'ai pas cru ça en attendant. Finalement, j'étais pas prêt. Je retombe dans le même mood que l'année passée où je suis pas prêt pour faire ça. Pourquoi je m'entête à faire ça? D'abord, on est mercredi. Ouais. Stéphanie Paradis sera là pour présenter la nouvelle édition du Zone Campus. Ouais. On a aussi, attends un peu. Non, c'est ce que j'ai. J'ai rien. Jean-Philippe Charbonneau. Véronique Mire sera là à partir du 11 septembre. Mathieu Plante, mon nom. Ah. Et Maxime Tanguay. Okay. Non, tu seras plus là, c'est vrai. Oui. Finalement, c'est ça. Finalement, c'est pas mal ça. Stéphanie Paradis. Oui. Je dis juste des noms. J'étais shooté comme ça pendant une heure. On était déjà à terre. Stéphanie qui est là pour nous parler du Zone Campus dans quelques minutes. Oui. Le premier numéro de la saison. Oui, puis il est beau en plus, là. Il est tout blanc, il est tout shiny, on dirait. Puis on a tout viré de bord. Ah, hey. Tout ce qui est à gauche, t'es à droite. On le prend à maquette, on l'a brossé un petit peu. Ça s'est tout mélangé, bon, on n'a pas eu ça. J'ai fait le menu édition inversée, la maquette. Oh! Puis t'as rajouté 4 pages. Oui, 4 pages. Pas une, pas deux, pas trois, pas cinq. 4. Ils sont toutes blanches, par exemple, ça qui est plat. Pas de contenu de plus. Pourquoi plus de contenu? On va mettre plus de pubs, plus d'autopromo. On est bon là-dedans. Ouais. Pour l'instant, JP? Oui. Pause. D'accord. Strike a pose. Oh! Je vais sortir ma KitKat. Vogue. Oh oui, KitKat. Mmh. Hey, le prochain Android va s'appeler Android KitKat, tu vois? Ah! C'est pas CNX. Elle est en 4 sections. Je fais des sprints pendant les pauses. Tellement, c'est toi qui voulais aller faire ce que t'as fait pendant la pause. Oui, j'ai décidé que. Je t'ai pas demandé de détails. Ah, tu bon, on a parlé de KitKat, ça a été une rage. C'est très égal. Oui. Je t'allais sentir ça de ma sacoche. Un biscuit aux pépites de chocolat. Oh, non. De la rentrée hier, là, c'était. Oh, il était bon. Un mot. Bullshit, hein? Bullshit. Je surutilise le mot bullshit aujourd'hui. Hein? Ouais. C'est en anglais, fait que c'est pas un sac. C'est vrai. Tu dirais gros. Ah, oh, c'est vrai que les bonnes se donnent. Ah, oui, excuse-moi. Je vais le dire en français. Clap. Ça vous aide pas quand je vous dis quand sont les clap-clap dans la toune, hein? Non. Non, c'est ça. Mais ça me fait rire. Oui, mais c'est moi, je trouve ça bien drôle. Dans l'univers Mathieu Plante, c'est le bout important. Tout ce qui se rattache à moi, le noyau central de la pêche, comme ma taille de pêche. Oh! David Ferron est avec nous. Il va nous parler dans quelques minutes de musique francophone, comme toujours. Je sais qu'on va entendre des choses, des artistes qu'on a déjà entendus avec des pièces qu'on n'a jamais entendues. Oui, exactement. Ça a l'air menaçant. Exactement, se dit-il en faisant ça avec ses doigts, là, tu sais, comme M. Burns. Excellent. T'es bon. Détruis le gnome. Le petit gnome de jardin, le petit jardin avec le chapeau rouge. Je veux dire, ils arrivent avec des pelles, puis ils le détruisent, puis ils font des coups de pelle avec les petits gnomes. Je pense que Vulgar Machin déteste les petits gnomes. Ça se peut. Mais en fait, c'est détruire le et dogme. Premièrement, c'est anéantir pour détruire, mais j'étais proche. Et c'est dogme. Ça va pas bien. Non, ça va, c'est correct. Je suis là pour t'aider, c'est pas pour rien de toi, je t'aide. Je m'appelle Mathieu Plante, Jean-Philippe Charbonneau n'est pas là aujourd'hui. Je vais mettre un S à là, moi là, ça un peu, là. Tu vois, être seul, c'est ça que ça fait, là. David est en train de frotter la chaise à Jean-Philippe pour, j'imagine, se mettre. Faire sortir le génie de bouteille. Ah, oh! Bonne idée. Est-ce que c'est là qu'il est? Parce qu'on a essayé de présumer tantôt où il était. Peut-être qu'il avait veillé hier soir, son cadran pas sonné. Moi, je prévois qu'il y a eu un éboulement sur Sainte-Marguerite. OK, hey, ouais. C'est violent, là. Ben, écoute, une suggestion de même. Jusqu'à preuve du contraire, on sait pas. Exactement. C'est comme ça. On peut continuer de présumer ce qu'on veut sur Jean-Philippe. On a eu la réponse en cours de journée. Finalement, il était à l'hôpital avec sa copine qui s'est foulée une cheville en fin de semaine et que finalement, ça a empiré. Non! Ça, c'est la réponse officielle. Mais comment elle a empiré ça? Peut-être avec de la boisson. C'est donné des coups de bouteille de bière sur la jambe. Peut-être. Ou l'éboulement, comme François-André a dit, ça se peut. Elle a rempiré sa jambe-là dans l'éboulement. Oui, peut-être que, par exemple, Jean-Philippe a été enseveli. Elle a dû comme le déterrer avec toute l'adrénaline, enlever les pierres. Puis là, elle a... Potentiellement. Ou sinon, tu sais, c'est peut-être pas l'éboulement qui a fait ça. C'est peut-être un coup de la poitrine d'une de leurs amies de filles. Puis là, c'est l'éboulement. L'éboulement? Non, pas vraiment. Ça aurait pas fait les meilleurs moments, ça? Ben... David Ferron était vraiment drôle. Et toi aussi. Je pense que toi et David, vous avez rempli genre le trois quarts des meilleurs moments de cette semaine. C'était vraiment fantastique. Ah ouais? Ouais. Et je trouvais aussi particulièrement que mes punchlines n'étaient pas là partout. On dirait que cette semaine, j'étais là pour construire des histoires que vous donniez les punchlines. C'était génial, ça aussi. Ben écoute, tant mieux si tu es satisfait de notre performance. Je le suis et on vous retrouvera, vous tous, Jean-Philippe, Stéphanie, David et François, tous les autres à Assemblage requis. C'est du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30. Soyez avec nous. Cette semaine, on n'avait pas d'émission lundi, donc c'était trois jours de meilleur moment. Et ça donnait comme 6 minutes de bon stock, fait que c'est cool. Bon stock. Et ça, c'est sans compter tous les jokes de caca que Charles-Antoine Rioux m'a causé dans sa chronique. Mais que voulez-vous, il aurait fallu mettre la chronique au complet. Ça ne rentrait pas. Écoute, j'ai manqué ça. J'ai pas le choix d'aller réécouter la chronique de caca. Exactement. Et bon point aussi de rajouter, si je me rappelle bien, si ma mémoire me sert, c'est-à-dire rarement, la chronique de Charles-Antoine Rioux est dans Le meilleur de ses fous, l'émission qu'on présente les vendredis matin à 7h et les samedis à midi sur les ondes de ses fous. Il me semble qu'il est dedans. T'es bon, t'es de mémoire, là. Je voyais, tu me regardais dans les yeux, là. T'avais pas d'écran, là. Je m'y mets une grille horaire avec mes mains. Samedi, midi. Oui, parce qu'on le dit toujours, le mime à la radio, c'est toujours un franc succès. Ben, moi, c'est ce que je pense, c'est ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Donc voilà, et on va essayer de ne plus jouer les meilleurs moments dans l'émission, dans la troisième heure des Palmarès C'est fou, celle qui rejoue le mercredi, c'est un peu tard, là. On va essayer de faire ça autrement. Mais bon, pardonnez-nous. Ouais. Alors, on est rendu au position numéro 3. Du côté anglophone, c'est Sons et Mirror Mirror. Et du côté francophone, c'est Ta cadence de navet. Moi, je pense que c'est des navets, tout simplement. J'ai faim. Moi, c'est un gnome. Tu parles à cadence, le jour et la nuit. Retour Mister Valère et nos numéro 1 au Palmarès C'est fou édition top 5. C'est fou. 89.1. Sons et Mirror Mirror, troisième place, plus 3. Et tout juste avant, c'était Don't Get... non, c'est pas vrai. Ta cadence de Navers. Ben, parle de Don't Get Là, ça va être tantôt. Mister Valère et Zoo sont deuxième place. Mais avant ça, Steph, je t'en ai pas parlé à l'avance. Je voulais te prendre par surprise un peu. Je sais pas si tu te souviens, la semaine passée, on a sauté par-dessus Palmer Rest in Peace. Ouais. Et il y avait pas mal de bonnes chansons d'été qui sont parties depuis les dernières semaines et je me sentais mal de pas leur dire au revoir. Je suis un petit peu obsessif compulsif comme ah ça. Ah non, je te comprends. Ouais, je suis pas capable de sauter par-dessus ça. Donc, pour leur dire au revoir officiellement, voici Palm Rest in Peace de v'là deux semaines. Just mountains of change. Hey! Voici les pièces qui ont quitté les palmarès, c'est fou pendant l'été, genre. Mais non. C'était les extraits des pièces qui ont quitté les palmarès C'est fou depuis l'édition du 5 au 18 août. On recule un peu, là, 2013. Donc, on a dit au revoir à la femme de Sur la planche 2013. Ouais, je pense que c'est le contraire, par contre. Ouais, l'inverse, ouais, hein? C'est parce que t'as le couleur avec la pièce femme, puis là, moi, ça me perturbe. Donc, Sur la planche 2013 avec la pièce La femme qui est restée 8 semaines. Non, là, tu l'as dit à l'envers. Quoi? C'est le groupe La femme avec Sur la planche 2013. C'est pas ça que j'ai dit au début? Je sais plus. On va passer à l'autre chose. Là, tu m'as mêlé. Born Ruffians après ça avec la pièce Wither Shadow qui a duré 7 semaines. Ensuite, Daft Punk avec la pièce Lose Yourself to Dance qui a duré 5 semaines. Rara avec Heart and Wife qui a duré 8. Fiddler avec Wait for the Man, 8 semaines. Et finalement, André Papanicolaou avec How Will This End, 6 semaines. Là, on se comprend, en les ayant entendus, on sait pourquoi on ne pouvait pas ne pas leur dire au revoir. Ah ben non, c'était toutes d'excellentes pièces. Là. J'ai envie de réécouter Sur la planche 2013. Vraiment? Et que je l'aime, cette chanson-là. Mon tatine, mais bon. Donc voilà pour Palmerist in Peace, édition full rewind. Là. On recule en arrière un petit peu, mais on, bon, c'est comme ça. On a assez parlé. Retournons aux positions numéro 2 des palmarès de la période du 2 au 8 septembre 2013. En anglophone, c'est Zoo, c'est The Ballad of El Gudo. Et en francophone, ça monte de 4 places, c'est Don't Get La de Mister Valère. Le palmarès, c'est fou, édition top 5. 89.1 FM. years ago my heart was set to live. Oh, and I've been trying hard against unbelievable odds. It gets so hard at times like now to hold on. My guns, they wait to be stuck by, and at my side is God. There ain't no one going to turn me round. There ain't no one going to turn me round. There's people around who tell you what they know. There's places they can send you. The Ballad of El Gudo par la formation Zeus. C'est la deuxième place anglophone, ça monte de 3. Et du côté francophone, tout juste avant, on a entendu Don't Get La de Mr. Valère. En effet. Et c'est le moment des premières places. Ah oui? Oui. Et première place veut dire, par association... Noix. Noix, oui. Callback. Écoute, je veux pas passer à côté parce que j'ai quand même fait ma petite recherche avant. Je veux te dire que j'ai trouvé ton nom de noix. OK, on va rappeler aux gens qu'en début d'heure, on a parlé un petit peu de noix en se donnant des surnoms. En me donnant un surnom, en fait, on avait aussi des animaux, pistache pour le chat. Oui, cachou pour le chien. Ouais, moi, c'était... Ben, on savait pas. Moi, c'est Peanut. Peanut, oui. Et toi, j'ai cherché sur Wikipédia. Et j'ai fait, j'ai juste tapé une noix et ça m'a sorti la noix vomique qui provient de la plante le vomiquier. Ok, donc c'est une plante dans le fond, c'est la source principale du strychnine. Ok, c'est un alcaloïde extrêmement toxique obtenu à partir des semences contenues dans ses fruits appelées noix qui font vomir ou plus souvent noix vomiques. Puis j'avais pensé que peut-être ça pouvait être ça. Étant donné les malaises que je cause. Moi? OK. Sinon, il y avait le gland. J'aurais pris le gland. C'est à qui? Je sais pas. Merci, Steph. Fait que le gland? Est-ce que tu veux dire au revoir aux auditeurs? C'était ta dernière émission aujourd'hui. T'es bien fin avec moi, ça. Ben là, tu vas bien trop t'ennuyer. Merci, Pignotte. Ben, ça fait plaisir, mon cher gland. C'est charmant. Donc, il nous reste seulement les positions numéro 1 et tout ça, ça veut dire qu'on fait des jeux de mots poche. Oui, c'est ce que ça... Poche, gland, ça va très bien ensemble. Les jeux de mots poche de gland. C'est souvent relié... Ouais. Fais-moi un logo avec ça. Tu veux que je te fasse... Les jeux de mots poche de gland, s'il te plaît. OK, parce que sinon, on a déjà trouvé ensemble un logo qui ressemblait étrangement à... À un pénix. Ouais. Je sais pas si tu te souviens. C'est deux architectes. Oui, oui, oui, oui. Et l'hôtel des gouverneurs aussi, un logo qui ressemble à un pénis. Mais moi, je vois les pénis par terre. Enfin, de là, ton surnom de noix, le gland. The gland. The gland. Ça, là, ça va trop loin. Jeu de mots poche. S'il te plaît, femme. Femme. Tu sais, si j'étais sexiste, comme je dirais femme. OK, je pensais aller dire femme ta gueule. Femme. Je retire mes pas. Femme ta gueule. C'était trop bon. Caroline, non, mais toi, tu. Aussi que je pense te connaître, tu fais un jeu de mots meilleur que moi. L'élève dépasse le maître. Un peu comme mon pénix qui dépasse le maître. Ça, on l'a déjà fait, celle-là, par contre. Ouais. En tout cas, ouais. Peu importe, c'est pas dans mes jeux de mots, c'est pas dans le top, c'est pas dans le top 1. C'est pas la couleur que je recherchais comme blague. C'est pas la couleur. D'accord. Ou le couleur, dépendant des gens. Mais sinon, les deux sont stables. C'est un peu poche, je fais même jeu de mots que la semaine passée parce qu'ils sont tous les deux stables. Donc, du côté anglophone, je les aime pareil. C'est pas parce qu'ils sont stables deux semaines de suite que, tu sais, je veux dire, moi j'aime ça varier un petit peu, comme, mais mettons, oui. Tu sais, les deux, ou tu sais, trois, que j'ai fait refaire cette semaine et qui, ma foi, sonne merveilleusement bien, à mon avis. Donc, I love you, c'est le nom du côté anglophone, j'ai rien à dire de plus. Parce que si j'avais fait faire les. Parce que avant, c'était un. Je m'emporte des parenthèses, je sais pas où je m'en vais, ça paraît-tu? Okay. Pas donc, du tout. Précédemment, dans les palmarès, c'est fou, avant, les numéros étaient dits par Danny Janvier. Une voix... Ouais. Merci, monsieur, on va le refaire. Une voix obtuse. Une voix obtuse, un petit peu plus comme genre... Yeah. Encore, s'il te plaît. Oh, yeah. Oh, mais je veux le réutiliser 1000 fois, ce bout-là. Je devrais faire juste... Pour le kinky. Oui. C'est noté dans ma tête. Ça prend combien de temps à date de faire les jeux de mots? Je dirais... Minutes? Beaucoup trop longtemps, selon mon évaluation personnelle. D'accord. Donc, je veux finir ma parenthèse. Avant, c'est Danny Janvier, qui est numéro. Donc, voix grave, 20. Là, on les a fait faire par Johnny Gagnon, qui fait 20. OK? Avec des exclamations. Si j'allais plus haut, je le ferais faire par une, tous ensemble, baleine. C'était mon jeu de mots du côté anglophone. Ça aurait fait, à la place d'être oui, ça aurait fait... Ah, il faut les expliquer avant de les faire jouer. Ben oui, parce que c'est peut-être pas très clair pour tout le monde. Pas tout à fait. Donc, si ça peut vous rassurer, ce sont vraiment des vraies pièces. Donc, en première place, du côté anglophone, on va entendre « I love you » de Seth de Whale. Mais tout juste avant, du côté francophone, c'est « Femme » du groupe Le Couleur, du groupe L'Artiste, je sais pas. C'est un duo, je pense c'est un duo. Donc, c'est un groupe. Voilà. Mais tu vois, moi, je suis quand même fier de mes jeux de mots. Même s'ils étaient fastidieux, certains diraient facétieux. Moi, je les ai bien aimés. C'est les palmarès assez fou, ils sont top 5. Et tes lumières s'éteignent. I love you. chanson numéro 1 des Panoramas C'est fou de cette semaine du 2 au 8 septembre 2013. On vient d'entendre Set the Whale et Stable I Love You. Et du côté francophone, c'est Stable aussi. On a entendu Femme de la couleur. Et ben voilà pour le top 5. Voilà pour les Panoramas C'est fou en général pour cette semaine. C'était délicieux. C'était toujours un plaisir d'être là avec toi, Mathieu. C'était un plaisir de te recevoir aussi, Stéphanie Paradis. Oh. On a du fun ensemble. C'était le fun d'avoir Justine Renaud dans l'heure top 10. Ben oui, j'ai vraiment hâte de voir si dans 2 semaines elle va arriver avec sa nouvelle chronique. C'est moi, je parie que non, mais bon. Restez à l'écoute. Retrouvez-nous jeudi prochain entre 15h et 18h pour l'édition complète. Ensuite, lundi, mardi, mercredi de 17h à 18h pour l'édition quotidienne des Palmarès C'est fou. Sinon, on vous retrouve du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30 pour Assemblage requis. Et voilà. Je sauve une syllabe en disant 6h30 au lieu de 6h30. T'as vu comment je suis efficace? Puis tu le répètes, fait que tu viens de perdre tout le temps que t'avais joué. Maudit. Oh! Bon, on se quitte avec une pièce bonus que t'as choisie, Steph. Ah oui, c'est laquelle, donc? Dans ah, oui. Ah oui, Nothing Left Between the Lines. Voilà, il fallait lire entre les lignes, comme on dit. Ah, ben oui. Et voilà, bye! Bye!